amené le citoyen. À la nuit, le citoyen. À la nuit, le citoyen. Pour ceux qu'on regarde de travers, c'est pour les tricheurs, les violeurs, les voleurs. Pour ceux qu'on regarde et qu'on essaie de caser dans des casernes, ceux qu'on veut pas mettre auprès de nos sœurs, ceux qu'on aime pas, ceux qu'on attend. À la nuit, le citoyen. Figuette aux prêcheurs. Madame la masseuse, les comptes arrêtés. Au cabinet du diable éternel, distribue juste les tickets. Pour chaque fois qu'il te prévoit un RDV, à toi de voir ou non si tu pourras tous les assumer. Pas de blâme à ceux, les contrariétés. Au cabinet du diable éternel, distribue juste les tickets. Pour chaque fois qu'il te prévoit un RDV, à toi de voir ou non si tu pourras tous les assumer. Le Seigneur te guette, tu pourras même dire qu'il t'embête. Mais jamais que c'est un trait s'il y a confusion. People, let me see if you can dance too. Yo, check this out, man. Everything is alright. Pas mandé yo petit, je décide de faire mal marqué. Pas mandé yo petit, je préfère faire moun tomber. Pas mandé yo petit, je préfère faire moun pleurer. Parce que c'est ça yo, mais c'est ça yo, ni c'est ça yo, mérite. Pas mandé yo petit, c'est monsieur préfère mal marqué. Pas mandé yo petit, c'est monsieur préfère mal parler. Pas mandé yo parce que nous savons qui j'ai qu'à lever. Yo qu'à étonner, les nous qu'à dire ok. Mégre, mégre, mégre. Nous peine combiner, puis tout ça qui qu'à faire des walls. Tu comprends, dit que ok, mégre. Il va le monde. Tu veux le monde? Laisse-moi l'égoïsme de ma famille. Ne touche pas mes proches, ils veulent le monde. Ils sont prêts le monde. Cette innocence qu'ils sont prêts à gâcher. Ils veulent le monde, le monde. L'argent et les belles statues. Leur prix, leur détenue, hey. Le monde. Ils veulent ce monde, alors je te le laisse. Le monde. Ok, ok, ok. Le monde. Alors si ça passe comme ça, laisse-moi juste ma famille. Si ça se passe comme ça, laisse-moi juste mes diplômes. Hey. Si ça se passe comme ça, laisse-moi juste ma patrie. Yeah. Si ça se passe comme ça, laisse-moi juste mes frères. La fin est suspecte, le siège éjectable. À l'anonyme citoyen.